écoutez sur Radioactive. Ah, voilà qu'arrive le retour casque, c'est parfait pour démarrer cette émission. Bienvenue donc sur Radioactive pour une émission spéciale en direct, une émission hors série de Oser Jazz à tous les étages. Nous sommes en direct de la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis. Cette émission, elle a lieu dans le cadre du Festival de Jazz en Touraine, évidemment, 38e édition cette année. Je suis évidemment en compagnie de François Mnérot, parce que vous dites Oser Jazz à tous les étages, mais pourquoi cette voix? C'est pas celle-là d'habitude. Bonjour François. Bonjour Marlène, c'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission hors série. C'est un plaisir partagé, vraiment. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette émission? François, explique-nous un petit peu les circonstances de tout ça. Alors, les circonstances de cette émission, eh bien, c'est une donation qui a été faite par André Joly il y a quelques années à la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis-sur-Loire. Cette donation, en fait, est constituée de près de 1700 vinyles. Vraiment une collection assez extraordinaire qui couvre à peu près toute l'histoire du jazz, des débuts jusqu'à aux années 2000. Et dans cette collection qui se trouve dans les sous-sols de la médiathèque, eh bien, il y a vraiment une richesse extraordinaire qu'il serait dommage de laisser, voilà, toute seule comme ça dans son coin sur les étagères. Donc, on a décidé de faire une petite présentation de quelques pépites de cette collection pour que tout le monde puisse en profiter. Quelle chouette idée. Et alors, on a la chance d'avoir avec nous Francine Delbar. Alors, c'est une chance parce que Francine, elle a toute l'historique de cette donation puisque c'est la belle-sœur d'André Joly. Bonjour Francine. Bonjour Marlène. Alors Francine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui était votre beau-frère André Joly? André Joly était un journaliste de La Voix du Nord à Lille, mais surtout un passionné de jazz. Il jouait d'ailleurs dans un orchestre qui s'appelait, je crois, Jazz Combo. Et lorsqu'il a pris sa retraite à Roussillon en Provence, il a continué de faire les critiques et il recevait en service de presse toutes les sorties des vinyles de jazz, ce qui explique le nombre de 1900 vinyles dont nous avons hérité, ma plus jeune sœur et moi, lorsque notre sœur aînée, l'épouse de André Joly, est décédée. Elle est décédée en 2013. Et nous avons fait cette donation en 2014 à la médiathèque de Montlouis, qui est liée au jazz, comme nous le savons tous. André Joly, il était critique de jazz. Critique de jazz pour La Voix du Nord à Lille. Mmh, c'est un poste important, parce que La Voix du Nord, c'est quand même un des plus beaux journaux régionaux de France. Hein. Puis dans cette collection, je crois qu'il y avait aussi des livres, des magazines, il n'y avait pas que de la musique. Voilà, il y a aussi un certain nombre de livres, je ne sais pas, ou une trentaine au moins, qui sont aussi rangés au-dessus des vinyles dans la médiathèque Stéphane Hessel. Alors, pourquoi ce don à la médiathèque Stéphane Hessel? Alors, ce don s'explique parce que lorsque mon beau-frère est décédé en 2006, ma sœur aînée a hérité de tous ses vinyles. Mmh. Elle avait l'intention d'en faire don à la médiathèque de Roussillon en Provence, mais c'est une petite ville avec une petite médiathèque qui n'avait pas la possibilité d'accueillir tout ça. Et elle ne voulait pas les vendre parce qu'elle ne voulait pas ventiler ça aux quatre vents. Mmh. Donc, elle voulait que tout ça, ça reste un fonds. Et lorsqu'elle est décédée à son tour en 2013, ma plus jeune sœur et moi, nous nous sommes retrouvés à la tête de ces 1900, enfin même il y en a presque 2000 vinyles, dont nous ne voulions à notre tour pas séparer pour respecter le vœu de ma sœur aînée. Mmh. Donc nous avons cherché comment en faire don sans les séparer. Voilà. Et comme Montlouis est près d'Amboise et qu'il y a beaucoup de manifestations de jazz, nous avons pensé que ça pouvait les intéresser. Oui. Montlouis, terre de jazz, voilà, comme j'aime bien le dire. Puis, comme il n'y avait pas assez de place chez toi, François, Il y en a déjà trop chez moi, donc forcément, on ne pouvait pas en rajouter. Les étagères sont pleines. En tout cas, on remercie la médiathèque Stéphane Hessel de nous accueillir aujourd'hui. Héloïse, avec son regard bienveillant, est à nos côtés. Et on a eu quelques informations par rapport au stockage, parce que le prêt aux usagers n'est pas possible, puisque voilà, ce sont quand même des pièces de collection, il ne s'agit pas de les abîmer. Techniquement, les numériser, ça va demander du temps et du matériel. Il faut tout ce... Bon, donc, pour le moment, on peut venir les écouter de temps en temps sur des sessions d'écoute animées par les médiathécaires référentes qui d'ailleurs ont réalisé une classification par genre de cette collection. Donc c'est important de souligner le travail qui a pu être fait aussi. Et puis on espère qu'il va être exploité encore. Je pense que Francine, vous, vous êtes demandeuse justement. Ah ben moi je suis demandeuse, hein. Je voudrais bien que ce fonds ne continue pas de dormir sans qu'on s'en soucie, ouais. Parce que c'est important quand même de faire partager cette passion. Très bien. Je suis prêt à participer. Oh. Oh. Très bien. Parmi nous aussi, peut-être avant de démarrer sur les écoutes, nous avons la présence de Claude Garcera, donc président du Festival de Jazz en Touraine. Claude, oh, il va s'approcher, Claude, pour nous dire un petit mot, un petit bonjour, et puis nous faire ses impressions sur ce festival qui touche à sa fin demain. Bonjour Marlène, bonjour François, bonjour Francine, merci de votre présence, merci d'avoir... avec nous, pris l'initiative de cette nouvelle session qui va nous permettre d'exhumer quelques pépites hein, de ouais. cette donation dont Francine nous a rappelé l'origine. Mmh. Eh bien, on arrive pratiquement à la fin de cette 38e édition de Jazz en Touraine, puisqu'il nous reste un concert, deux concerts concert Salle Ligeria et au Magic Mirror, mais encore trois ou quatre concerts à l'extérieur et dans les villes associées. Et puis dimanche, ce sera un ultime concert, un ball brunch à 11h30 et encore des concerts sur le village gourmand. Très belle édition. Est-ce que c'est complet, Claude ? Il reste quelques places pour Jeanne Haddad ce soir. Voilà, okay. Je voulais attirer l'attention de vos auditrices et auditeurs sur le spectacle extraordinaire auquel on va assister ce soir. Jeanne Haddad, vous la connaissez pour sa dynamique plus électro, pop, rock, voilà, elle est connue pour cette esthétique. Elle est moins connue de ses origines, elle est de conservatoire, plutôt lyrique. Elle a fait ses débuts musicalement en jazz. Dans le jazz. Dans oui. le jazz. Oui. Et elle nous revient avec un concert plus intimiste, avec deux choristes et un pianiste. Elle va nous étonner avec ce nouveau projet. Donc il reste quelques places. Dépêchez-vous de venir les retirer soit sur Internet, sur le site de Jazz en Touraine, soit si vous êtes vraiment pressé au dernier moment, vous faites des courses en ce moment et bon voilà, où on vous a coupé votre accès à Internet, et bien il y a encore la billetterie qui ouvre à 18h. Donc rejoignez-nous à Jazz en Touraine. Super, merci pour toutes ces informations importantes, puisque demain, ce sera trop tard. Ah bah oui, les regrets, après, c'est oui. éternel. Hein. Voilà. Hein. Bon, alors François, oui. Non, je vais te laisser maintenant un peu plus la parole, parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Mais en tout cas, on remercie aussi toutes les personnes qui se sont déplacées. C'est important, on a oui. du monde autour de nous. Donc, oui. bonjour à tous, à notre public, Henri, tout le monde est là, c'est oui. super. Alors François. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de travailler en public, donc ça fait plaisir de voir des visages en face de soi alors qu'on est en train de parler dans le micro. Et il faut aussi signaler qu'on a Vincent avec nous à la technique. Absolument, qui est en train l'oublie d'assurer trop souvent. Parce que c'est quand même un exercice périlleux de jouer à l'extérieur comme ça. voilà. Alors cette discothèque léguée par André Joly, je l'ai explorée depuis le mois de juin. Sur papier et sur étagère, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait en ressortir. C'est un choix complètement subjectif que j'ai fait. J'ai choisi un ordre alphabétique, tout simplement, parce qu'elle est bien classée par genre dans les étagères de la médiathèque Stéphane Hessel. Mais voilà, ça me paraissait un petit peu difficile d'aborder les genres, etc. Donc j'ai choisi un ordre alphabétique. Et dans cet ordre alphabétique, j'ai essayé de sortir quelques noms d'artistes, chanteurs, musiciens, etc., qui n'étaient pas forcément très très connus du grand public et qui avaient quand même eu leur importance dans l'histoire du jazz. Donc on va écouter une dizaine d'albums si on a le temps, mais bon, après voilà, on prendra le temps qu'il faudra. On peut-être. Prendra le voilà. temps, ils t'attendent au boulot voilà. après oui, un petit peu, ah, mais bon voilà, ils attendront un peu plus longtemps, c'est pas grave. Donc évidemment, puisque on a pris l'ordre alphabétique, et ben on va commencer avec ce monsieur, Mose Allison, un chanteur de jazz dont la carrière commence dans les années 50. Ici, j'ai trouvé un très bel album que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs, qui date de 1982, enregistré en compagnie de Joe Farrell à la flûte, de Philip Church à la guitare et d'une rythmique de Butter Smith et Ron Powell. Assez étonnant. Alors, ce chanteur, il a une voix un petit peu particulière. C'est un chanteur blanc qui a une espèce de grain qui rappelle un petit peu les bluesman en plus soft, mais qui relie un petit peu le jazz au blues. C'est un musicien qui est connu des musiciens, on va dire. C'est quelqu'un qu'admire énormément Diana Krall, par exemple, qui a repris assez souvent des titres de Mose Allison. Mais il y a aussi d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec le jazz, des artistes souvent de rock et de rock un peu péchu. Il y a les Who qui ont repris des morceaux de Mose Allison. Il y a Cactus, un des premiers groupes qui a fait du hard rock, qui a repris aussi des morceaux de Mose Allison. Donc son univers peut être interprété dans tous les styles de musique. Là, donc, cet album est plutôt un album, comme d'habitude, assez cool. Vous allez reconnaître son grain de voix dans le morceau que j'ai sélectionné, qui est un morceau assez rigolo, parce que ça s'appelle « How does it feel to be good looking ?» Bon, Mose Allison n'est pas particulièrement un mannequin. Donc, le morceau s'appelle donc « Quel effet ça fait d'être plutôt mignon, d'être un bel homme, d'être beau gosse ?» Et ensuite, il décline ça dans les différents couplets en disant quel effet ça fait d'être riche alors que bon il a jamais été très très riche non plus et ou d'avoir de la chance. Bon, il a eu de la chance quand même relativement, mais pas autant que d'autres dans sa carrière. Donc voilà, c'est une manière un petit peu de tourner en dérision sa propre vie au fil des années, surtout que là donc on est en 82, il a déjà près de 40 ans de carrière déjà derrière lui, mais il continue son bonhomme de chemin et voilà, c'est toujours aussi plaisant à écouter. Vous allez pouvoir en profiter dès maintenant. Avec des vrais sons, des vrais vinyles. How does it feel to be good looking? To go around spreading that old sex appeal. Never any problem getting a booking. Good looking. How does it feel? How does it feel to be a big winner? Do you have to pinch yourself to prove that it's real? The world is just your Sunday dinner. Big winner, how does it feel? Thank you. to feel to be born wealthy. Never ever gonna beg, borrow, or steal. All you got to worry about is staying healthy. Born wealthy, how does it feel? How does it feel to be born lucky? Always gonna get the best of the deal. The world is just your rubber ducky. Born lucky, how does it feel? How does it feel? How does it feel? How does it feel to be? Good looking. Qu'est-ce que ça fait d'être beau gosse? C'est la question que je me pose tous les matins. T'as l'air de bien le vivre. Voilà, un titre bien, voilà, bien enlevé pour, oui. Pour le samedi matin. Comme ça, ça met tout de suite en route pour pouvoir démarrer la journée. Vous aurez remarqué quand même Mose Allison qui joue aussi des claviers sur ce morceau, de manière assez enlevée également. Une petite partie de guitare signée Philip Church qui est... Super. Pas mal aussi, super. Hein, vraiment, vraiment bien. Et vous noterez l'enchaînement, puisque je vous parle de guitariste, et on va passer pour le deuxième extrait à un guitariste, justement. Un homme que peu de gens connaissent, et c'est bien dommage, parce que il a été un homme important dans l'histoire, notamment de certains artistes de variété française. Le monsieur s'appelle Elek Baksik, il est originaire de Hongrie. Il a immigré à l'Ouest, où il s'est fait connaître, notamment à Paris, comme accompagnateur d'un certain Serge Gainsbourg. Puisque c'est lui qui accompagne Serge Gainsbourg, notamment sur l'album Confidentiel, où il fait pratiquement tout derrière. Bien sûr, les arrangements, comme d'habitude avec Gainsbourg, sont d'Alain Goraguer, mais Elek Baksik apporte vraiment une touche tout à fait particulière avec cette guitare jazz, avec un son très, très clair, très fin, un jeu très nerveux, vraiment très, très beau. Et il a sorti donc cet album. Vous noterez qu'à l'époque, on ne rechigne pas à fumer sur les pochettes. On explique à nos auditeurs qu'est-ce qu'on voit sur cet album. Voilà. Ah oui, parce que ce n'est pas très radiophonique. Ben oui, on n'a pas l'image. Donc, on voit un monsieur avec un air un petit peu sérieux, comme ça, la cigarette au bec, en train de jouer de la guitare. Cigarette bien au milieu de la pochette. Hein, et tu remarqueras qu'il est dédicacé. Ouais. Il est dédicacé, mais visiblement pas par l'artiste lui-même. Hein. J'ai vérifié, mais c'est pas ça. Non, c'est juste une dédicace. De celui qui d'accord. a donné au récipiendaire. Voilà. Donc, cet album est un album quasiment unique parce que par la suite, Elek Baksik s'est contenté d'un rôle de sideman un petit peu auprès de différents artistes. Alors, il y a eu aussi Juliette Gréco, etc. Enfin, toute la variété française importante des années 60. Et puis ensuite, il a décidé de partir aux États-Unis où il s'est un petit peu noyé dans la masse des musiciens là-bas. Et puis, on a perdu sa trace jusqu'à sa mort dans les années 70. Donc cet album s'appelle The Electric Guitar of the Eclectic Elek Baksik. C'est un très bon exercice pour le matin, comme ça. Donc la guitare électrique de l'éclectique Elek Baksik, ça sonne toujours aussi bien en français d'ailleurs. C'est sorti à l'époque sur Fontana. L'album date de 1962. Et vous allez voir sur cette reprise d'un morceau de Horace Silver, un autre grand nom qui ne fera pas partie de cette sélection des 10 parce qu'il fallait sélectionner et c'était difficile. Mais un pianiste, Horace Silver, pour lequel j'ai une grande admiration aussi. Voilà, vous allez pouvoir écouter donc ce Elek Baksik. Donc le morceau s'appelle Opus de Funk, signé Horace Silver et ici interprété par Elek Baksik. Thank you. C'était donc Elec-Baxic, The Electric Guitar, The Eclectic Elec-Baxic. Dis donc, je m'en sens pas mal, finalement. Ah, c'est très, très bien. On voit le public déchaîné à la médiathèque Stéphane Hessel ce matin. Ils sont tous debout en train de danser, de swinguer au son des vinyles jazz avec toutes les difficultés techniques que nous pouvons rencontrer. Mais bon, ça, c'est les aléas du direct. Et puis, on travaille avec des vraies pièces. Voilà, des vraies pièces historiques et très, très belles. Et donc, voilà, il y a de temps en temps des petits impondérables comme ça, mais qu'on va gérer avec l'aide de notre ami Vincent. Oui, parce que nous, on ose le jazz. Voilà. J'avais juste oublié de signaler quand même qu'à la batterie, il y avait juste Daniel Humer, quand même, ici, et Michel Gaudry à la basse. Donc, là aussi, la rythmique de ce petit trio était bien, bien sympathique, très sautillante. Et vous avez pu voir ce jeu de guitare très clair, très, très fin, etc. Et vous avez peut-être fait le lien avec le Confidentiel de Gainsbourg, où on entend vraiment cette guitare tout au long de l'album. J'ai envie juste de demander à Francine si elle découvre ces morceaux là en ce moment. Absolument. Oui. Et alors, jusqu'ici, la sélection est bonne? Je ne peux pas dire, mes connaissances en jazz sont vraiment très, très limitées. Ok. Voilà. Alors là, on va revenir un petit peu en arrière, parce que comme c'est l'ordre alphabétique, forcément, ce n'est pas l'ordre chronologique. Mmh. On va revenir en 1958. Alors en 1958, je ne vais pas dire que le jazz est en danger, mais il y a quand même historiquement une petite baisse du jazz, parce qu'aux États-Unis, il y a plein de gens, plein de foyers qui commencent à être un petit peu aisés, qui s'offrent de belles chaînes stéréo, de belles chaînes pour écouter la musique. Et c'est souvent des gens un petit peu aisés et pour qui le jazz, c'est un petit peu une musique un petit peu à part qui est encore réservée à un public noir, etc. Donc, il va émerger en fait dans l'industrie musicale américaine tout un style qu'on appelle le easy listening, qui est en fait une musique un petit peu édulcorée, quoi, qui incorpore des parts de jazz, mais pas que. Il y a un petit peu de mambo, il y a un petit peu de cha-cha. C'est bien pour animer les soirées, les cocktails à la maison quand on invite les amis. Mmh. Donc voilà, il y a toute cette musique-là qui commence à débarquer un petit peu dans le jazz. Fort heureusement, en 1959, il va y avoir une série d'albums de jazz qui vont inverser la tendance, notamment le Time Out de Dave Brubeck, le Kind of Blue de Miles Davis et le Blue Train de John Coltrane, qui vont remettre tout le monde d'accord. Le jazz, c'est le jazz et voilà, on n'y touche pas. Mais voilà, juste avant, donc, il y a eu des orchestres comme celui de ce monsieur, Ruby Braff, qui avec son orchestre. Alors, il s'appelle Ruby Braff, il est bien blanc, il a une bonne coupe de GI américain presque, et son groupe s'appelle His Men. Ces hommes, voilà, c'est des gens qui en ont, qui en veulent, etc. Ceci dit, ce sont d'excellents musiciens. Ce sont des artistes qui ont l'habitude de travailler derrière des grands chanteurs de variété, etc. Et derrière, donc, il y a vraiment une vraie appétence pour la musique et des arrangements qui sont assez, assez exceptionnels. Donc, tout n'est pas acheté là-dedans. Et notamment dans cet album-là, qui swing bien, qui est bien enlevé et qui va permettre, en fait, d'animer un petit peu ces petits cocktails de fin de soirée. Mais voilà, à cette époque-là, 57, 58, c'est vraiment ce style qui prédomine, qui va être un petit peu après éteint dans le début de la décennie suivante, avec le retour du jazz, du hard bop qui va prendre un petit peu le pas sur le reste. Et donc, on va écouter le morceau For Now, qui est écrit lui-même par Ruby Braff, et qui est vraiment un de ces petits morceaux de swing, toujours très plaisant à écouter, et qui va réveiller aussi un petit peu vos oreilles, puisqu'on reste sur une dynamique assez importante. Oui, on n'a pas le cocktail. Il n'est pas encore l'heure, mais... Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais bon, on a eu notre café, déjà, c'est bien. C'est très bien. Merci, Louise. Et on est parti donc sur ce For Now, Ruby Braff and His Men, extrait de l'album Easy Now. Et c'est parti tout de suite. Voilà. Avec les petits craquements qui vont bien au début. Ruby Braff and His Men, extrait de l'album Easy Now, c'était le morceau qui s'appelait Four Now. Donc vous voyez, c'est vraiment du jazz cool, voilà, qui est pas complètement de la musique de fond, mais un petit peu quand même, voilà, mais vraiment, vraiment très bien réalisé, très bien arrangé, magnifiquement mis en musique. Oui. C'est vraiment un petit bonheur. Et on va passer à un style complètement différent, puisqu'on va réavancer dans le temps, là, on va repartir en 1966, en compagnie d'un saxophoniste qui s'appelle Booker Ervin, qui est un des grands saxophonistes de ce qu'on appelle le hard bop. Donc c'est après le bop, quand la musique commence à le bebop. C'est vraiment une révolution parce que ça part dans tous les sens, ça joue très vite, etc. Et le hard bop vient un petit peu poser ça et apporter un petit peu plus de respiration après le bebop qui était vraiment tonitruant. Donc Booker Ervin, lui, est un saxophoniste, voilà, qui a joué un petit peu avec tout le monde. C'est vraiment là aussi un petit peu comme Elec Baxic, un sideman, quoi, quelqu'un qui a accompagné énormément de monde, qui a fait pas mal d'albums sous son nom, mais qui étaient des très bons albums, mais qui sont passés un petit peu en dessous du radar, peut-être pas de la critique, mais au moins du grand public. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un album enregistré en public en Allemagne, à Munich, en 1966, et dans lequel on retrouve quand même un très très beau groupe, puisqu'il est accompagné d'un autre saxophoniste plus connu que lui, c'est Dexter Gordon qui est avec lui, Jackie Bayard au piano, Reidy Workman qui est un bassiste extraordinaire, très très peu connu, mais qui a fait vraiment des sessions avec un petit peu tout le monde. Ah, et Alan Dawson à la batterie, et là vraiment c'est une rythmique de rêve. Donc le morceau qu'on va écouter, donc extrait de cet album qui s'appelle Setting the Pace, on donne le tempo en français, c'est un tempo quand même assez rapide, vous allez voir, et donc là, on va en écouter seulement un morceau de ce titre, donc qui donne son titre à l'album, qui s'appelle Setting the Pace, qui dure 19 minutes, donc on va pas aller jusqu'au bout, hein. Vous m'en voudrez pas. Et voilà, vous allez découvrir voilà ce hard bop un petit peu enlevé, enregistré en public, et vous allez voir, ça joue joyeusement, et là normalement ça devrait tenir le choc au niveau du vinyle. We'll be right back. C'était donc Booker Irvin en compagnie de Dexter Gordon, Reggie Workman, Alan Dawson et Jackie Bayard, donc enregistré en public en 1966 à Munich. Ce qui n'a pas empêché, vous l'aurez peut-être noté, Dexter Gordon de nous faire un petit clin d'œil à la Marseillaise dans son solo au sax. Là, à un moment, on a eu la petite mélodie de la Marseillaise. Je ne sais pas si ça a plu aux Allemands à l'époque, mais bon, voilà. c'était un petit passage comme ça sur ce titre-là, donc qui dure 19 minutes. On n'a écouté que les premières minutes, forcément. Donc 1966. Et là, on va faire un gros bond dans le temps, puisque on va passer carrément dans les années 80. Et oui, dans les années 80. Et on va revenir en France. On reste cependant sur du jazz, on ne va pas aller vers le disco, ce n'est pas l'objet de l'émission ce matin. Ne vous inquiétez pas, ne vous enfuyez pas. Ceci dit, vous allez pouvoir noter quand même dans ce morceau qu'on va écouter qu'il y a un petit peu de sonorité qui nous raccroche aux années 80, puisqu'il y a un petit peu de synthétiseur dedans. Michel Graillet est un qu'on va écouter, donc c'est un extrait de cet album, Michel Graillet, qui s'appelle Dream Drops, qui date de 1982. Tout à l'heure on était déjà en 1982 avec Mose Allison, là on est en 1982 avec Michel Graillet, qui sur cet album-là est quand même accompagné de quelques pointures, n'est-ce pas ? Lui-même joue donc des claviers électriques. Il y a Michel Petrucciani, rien que ça, voilà, au piano acoustique. Il y a Jean-François Jenny Clark à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie. Donc ça fait quand même un groupe de grands hommes derrière celui qui est peut-être moins connu, Michel Graillet, mais qui a une carrière très très importante où il a accompagné plein de gens. Ça a commencé d'abord dans la variété, comme c'était souvent dans le cas dans les années 60. Il a accompagné plein d'artistes de variété, et puis aussi pas mal de gens du jazz comme René Utreger, Maurice Vander, avec lequel il a enregistré quelques titres avec Nougaro, avec plein de gens. Et puis à travers Maurice Vander, ben, il a connu le fils de Maurice Vander, Christian Vander, et il s'est retrouvé à jouer dans le groupe de Christian Vander, le groupe Magma, qui était lui plus dans le rock, rock assez puissant, qui connaît Magma, voilà. Et puis voilà, il jouait d'ailleurs sous le nom cobayen de Tsoy Meneka, parce que dans Magma, on ne parlait et on ne chantait qu'en cobayen, une langue entièrement inventée par Christian Vander, le batteur, qui était un peu le gourou de ce groupe. Je découvre ce matin tes talents polyglottes, c'est absolument saisissant. Ah, j'ai pas encore étudié le cobayen, ça a l'air assez compliqué. voilà, et puis ensuite, il a joué avec Barney Whelan, il a joué avec Chet Baker aussi, dans les années 80, énormément, Michel Graillet. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui est complètement sous le radar. Il a été là tout le temps, en fait, des années 60 jusqu'aux années 90-2000, où il a encore sorti des albums. Et donc là, on va écouter un extrait de ce Dream Drops avec le morceau qui s'appelle Top Dance. C'est un morceau, voilà, où vous allez retrouver des sonorités un petit peu à années 80, mais avec véritablement une touche complètement jazz, notamment. Bon, vous allez reconnaître le piano de Michel Petrucciani, qui est vraiment un artiste assez exceptionnel, hein, je crois que c'est une évidence de le dire. Oui, je pense qu'on peut utiliser ce mot. Mais voilà, le temps juste de positionner, parce que c'est pas la première plage, donc je m'approche de la plage. T'inquiète pas, je vais meubler. Ouais. Alors, vous êtes sur Radioactive, vous nous écoutez sur le 94.7 ou le 93, selon que vous soyez sur Amboise ou Mont-Louis. Et nous allons tout de suite écouter Michel Graillet. François est en train de poser délicatement le saphir. C'est parti. C'est parti. Thank you. Voilà, c'était Michel Graillet en compagnie de Michel Petrucciani, Jean-François Jenny Clark et Aldo Romano, donc sur cet album de 1982, Dream Jobs. On touche à un univers différent, là. Voilà, on est plus dans le synthétiseur. On sent que voilà, les jazzmen se mettent aussi un petit peu au goût du jour, découvrent les instruments électroniques. Et aussi Jean-François Jenny Clark, qu'on entend à la basse, qui fait un beau travail sur une basse véritablement fretless, quoi, sans fret, donc qui permet d'avoir ce son de basse très, très coulé, très, comme sur une contrebasse en fait, et vraiment original. Alors je sais que j'ai découvert ce matin que André Joly était aussi contrebassiste, et bon, c'est assez marrant parce que en fait, en réécoutant toute la sélection que j'ai faite, je me rends compte que les contrebasses sont très, très présentes, donc voilà, y a pas de hasard, hein. Une sorte de petit clin d'œil du coup à son activité hors journalisme. Voilà, donc là on va encore changer d'époque puisqu'on va partir sur un album où on va revenir en 1962. Je ne l'ai pas fait exprès, mais en fait, je me rends compte qu'on revient souvent un petit peu aux mêmes années. On était passé deux fois sur 82. Là, on revient une deuxième fois sur 1962. Avec un album assez étonnant. Alors, il est ici dans une pochette de réédition qui n'est pas la pochette originale. La pochette originale était la photo qui se trouve à l'arrière, mais en couleur. Voilà, là, on a... donc, c'est l'album The Newest Sound Around de Jane Lee et Rand Blake, qui est un album qui est un des albums chouchous des critiques de jazz, en général, qui le déterrent régulièrement pour attirer l'attention dessus, mais qui reste quand même un album encore assez confidentiel. 1962, donc on est encore dans un jazz très orchestré souvent, et Jane Lee, qui est une chanteuse à la voix très, très bluesy, avec un très, très beau grain, qui rappelle... en plus soft, un petit peu celui de Billie Holiday, décide d'enregistrer un album en compagnie d'un de ses amis qui s'appelle Rand Blake, qui est pianiste. Et ils vont jouer des standards ainsi que des compositions, mais ils ont une approche un petit peu différente de celle qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire que Jane Lee, elle, va rester dans une partie vocale assez classique, vous allez vous en rendre compte, tandis que Rand Blake, tout autour, va essayer de déjouer la facilité de l'arrangement. C'est-à-dire que ce n'est pas un pianiste de piano-bar qui va accompagner tout bêtement sa chanteuse. Mm-hmm. Il va partir un coup à gauche, un coup à droite, il va faire des petits apartés, quitte même des fois à presque sortir un petit peu de l'aspect harmonique du morceau. Et c'est assez intéressant à suivre, de voir comme ça comment imperturbable Jane Lee, au milieu de tous ces petits pièges, ces petits choses trap, etc., continue à dérouler sa chanson et reste dans sa mélodie. C'est vraiment un album intéressant pour ça. Un album sur lequel il y a aussi une version absolument extraordinaire de Sometimes I Feel Like a Motherless Child, qui avait été rendue célèbre par Billie Holiday, où là, elle est absolument toute seule. C'est un morceau complètement a cappella et qu'elle fait d'une manière assez extraordinaire. Donc le morceau là qu'on va écouter, lui, c'est Evil Blues, le blues du mal, M.A.L., hein, et qui est un des seuls morceaux de l'album sur lequel ils sont accompagnés d'un bassiste. C'est Georges Duvivier qui est à la basse. Georges Duvivier, qui, contrairement à ce qu'on semble indiquer son nom, n'est pas du tout français, mais américain, et qui les accompagne donc sur ce morceau. C'est vraiment un petit morceau tout à fait étonnant et qui illustre bien donc ce que je disais sur le petit jeu entre la voix et le piano. Donc je pose mon petit vinyle sur la platine et je vais repérer le petit morceau pendant que Marlène va nous... Eh ben, je vais juste souligner nous buvons tes paroles, François, parce que quand on t'écoute avec ta connaissance encyclopédique de la musique, et surtout de la musique jazz, eh ben, tu nous donnes très envie de découvrir ces morceaux, justement. Ça tombe bien parce que c'est parti. Eh ben, allons-y. Made me mad because I'm evil. Downright evil. Evil as a girl can be. Made me some breakfast. Brought it to my bed. Took a sip of coffee. Threw the cup at his head. 'Cause I'm evil. Downright evil. Evil as a gal can be. I'm evil, downright evil, evil as a gal can be. Jenny, wow. Avec Rand Blake, oui, elle essaie de nous faire croire qu'elle est le mal incarné, mais en fait... Bon, oui. Pas forcément. Hein, pas non, forcément, on est hein, d'accord. Ouais, ouais, hein, bon, ouais, magnifique cette ouais, voix. Ouais, c'est vraiment une très belle voix. On sent la, une prise de son très proche du micro, un peu comme nous. Et puis, voilà, mais on a la voix un peu moins, voilà, un peu moins évocatrice que la sienne. Je sais pas. Alors, on va continuer avec une autre chanteuse, d'ailleurs. Hein, donc, j'avais dit que j'avais pris l'ordre alphabétique pour faire cette sélection. Donc, on est passé de la lettre L comme Jane Lee à, on va passer à la lettre M avec Carmen McRae. Alors là, c'est un enregistrement qui revient, lui aussi, un petit peu... Au début des années 60, tiens, dis donc, 1962, encore, incroyable. T'as fait exprès. Voilà, hein. J'ai fait exprès. Hein, ouais. L'année de la mort de Marilyn Monroe, messieurs, dames. Notamment, oui. Et ben, oui. Entre autres. Un traumatisme pour l'Amérique. Et moins que l'année d'après. Moins que l'année d'après, c'est ou quelqu'un d'autre qui va y passer c'est aussi. Sûr. Voilà. Et mais là, on était en 62, excusez-moi, voilà, 62, j'ai pas toutes les références de cette année-là. Donc, Carmen McRae, un enregistrement public. Alors, c'est vrai que le jazz, c'est toujours bien aussi quand c'est en public. Hein. On le voit tous les jours à Jazz en Touraine en ce moment. C'est toujours un petit plus de pouvoir avoir le public, même si là, on n'est pas sur place. Donc là, c'est enregistré dans un petit club de San Francisco qui s'appelle le Sugar Hill. Et Carmen McRae, là, il est accompagné par quelques jolis musiciens. Stu Martin à la batterie, Victor Sprouls à la basse. Et puis, au piano, Norman Simpson qui fait un joli travail derrière elle. Là aussi, c'est une voix cool, un petit peu bluesy, toujours agréable à écouter. Vous voyez sur la pochette, pour ceux qui sont là dans la salle, voilà, une femme immergée dans son art, visiblement, quand on voit. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Sunday, et comme son nom l'indique, ça évoque le plaisir de retrouver chaque semaine le dimanche, parce que le lundi, c'est pas terrible. Le mardi, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bah, et le lundi, en fait, on retrouve quand même Osé Jazz à tous les étages sur Radioactive à 19h. Donc, on bon démarre sang, quand même la sûr. Semaine sur une belle note. Oui, oui, oui. Oui, forcément. Mais elle ne devait pas connaître Osé Jazz à tous les étages parce qu'elle dit que le lundi, c'est pas terrible dans la chanson. Donc, ça doit être ça, en fait, le problème avec elle. Et un joli morceau qui va, là aussi, vous réveiller. Tout en douceur, tout en finesse, c'est le morceau Sunday qui va partir dans quelques petites secondes. C'est parti. Thank you very much. Every Monday, thinking about Sunday, that one day when I'm with you. I sigh all day Tuesday, I cry all day Wednesday. Oh my, how I long for you. never goes by. Friday makes me feel like I'm gonna die. But after payday, that's my fun day, 'cause I ball all day Sunday. That's the day, that's the day when I'm with you. That's the day when I'm with you. Shoo-be-doo-doo-be-doo-wee-oo-doo-doo-wop. Shoo-doo-wop. Shoo-doo-ya-doo-dop. Et voilà, c'était donc Carmen McRae live à Sugar Hill en 1962 à San Francisco. Voilà, elle met une bonne pêche dès le départ, hein, Madame Carmen McRae. Vous avez pu observer au milieu du morceau ce petit style de jazz vocal, le scat, là où elle part un petit peu dans l'improvisation, oui, voilà, une sorte de solo, mais avec la voix pour les chanteurs et les chanteuses, qui était aussi une marque importante du jazz de l'époque. C'est vrai que ça s'est un petit peu perdu. Les chanteurs et les chanteuses actuels sont plus dans le format chanson, sans trop en sortir. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de scat comme ça. C'est toujours un petit bonheur agréable à écouter. Une petite prise de risque aussi, hein, vocalement. Une petite prise de risque, oui, parce que c'est souvent complètement improvisé. Il faut pouvoir le faire. C'est pas toujours évident. Alors, on va repartir en avant. Okay. Jusqu'en 1985, avec un saxophoniste qui s'appelle Hank Mobley. Alors, il y en a certainement parmi vous qui le connaissent. C'est quand même un saxophoniste qui a marqué son époque. Un saxophoniste qui a fait quasiment toute sa carrière chez Blue Note, le grand label américain de jazz, qui a non seulement créé une esthétique d'abord du bebop, puis du hard bop après dans les années 50 et 60, mais aussi une esthétique visuelle avec des pochettes qui étaient souvent très formelles, très belles dans leur design, avec un design qui était souvent proche d'un artiste à l'autre, avec de vrais designers qui les signaient, de vrais photographes, avec des vues vraiment particulières sur l'esthétique des pochettes. Donc Hank Mobley, alors lui, il a joué avec tout le monde. Coltrane, à Miles Davis, en passant par Lee Morgan, etc. Il a sorti énormément d'albums sous son nom, qui sont des albums. Quand vous achetez un album d'Hank Mobley, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est toujours bien. Il n'y a pas de difficulté avec lui. Chaque album est un vrai régal. Et là, c'est un album assez tardif dans sa carrière, donc 1985. Il a déjà une longue carrière derrière lui. Et voilà, il enregistre un petit peu pour le plaisir, parce qu'à l'époque, bon, il n'est plus trop dans les radars des critiques et des journalistes et aussi du public. Et ça s'entend dans cet album. C'est un album tout simple, dans lequel, avec ses musiciens. Alors, il y a quand même du beau monde dessus. Il y a Ron Carter à la basse, qui est quand même une méga pointure. Billy Higgins à la batterie, qui lui aussi a joué avec tout le monde. Cedar Walton au piano, qui pareil, lui aussi a joué avec tout un tas de gens, de Coltrane à Davis, etc. Et Donald Byrd à la trompette. C'est quand même une sorte de all-star de la musique jazz. Tous des gens qui, à l'époque, dans les années 80, sont un petit peu, voilà, un petit peu pas oubliés, mais qui sont un petit peu à la marge du jazz. Ils ne sont plus les vedettes, ils ne sont plus les grands musiciens qu'ils ont été dans les années 60 et que tout le monde s'arrachait. Mais voilà, ils sortent cet album qui s'appelle Faraway Lands et dont on va écouter le titre qui donne son titre à l'album, Faraway Lands. Et vraiment, c'est une sorte de hard bop qui n'est plus trop dans la tendance de l'époque, mais qui est tellement bien joué que c'est toujours un régal à écouter. J'aurais pu vous passer un album des années 60 plus marquant, mais je voulais sortir un petit peu des sentiers battus, voilà, je vous ai choisi cet album et j'espère que vous allez prendre un grand plaisir à écouter ce morceau que je m'en vais mettre de ce pas sur la platine. Voilà, vous êtes toujours sur Radioactive. On salue également nos amis de Campus Tour qui diffuseront cette émission également très prochainement. Voilà, c'est parti. Thank you. C'était donc Hank Mobley, extrait de cet album Faraway Lands, les pays lointains, enregistré en 1985, juste un an avant sa mort d'ailleurs. Et une sorte de testament assez exceptionnel à cette musique qui était très en vogue dans les années 60 et qui pouvait paraître un petit peu hors du temps en 1985, mais qui est vraiment magnifique. Ça joue, ça se fait plaisir. Chacun intervient à son tour et relance la machine musicale. Oui. C'est vraiment très très beau. Ouais, vraiment très très beau. En parlant de 1985, d'ailleurs, ça me fait penser que on est dans un entourage assez exceptionnel puisqu'on a toutes les affiches de Jazz en Touraine depuis 1987. C'est pas 85, c'est 87, collection. Qui sont tout autour de nous là, et c'est l'occasion de faire un petit voyage dans le temps là aussi. Donc de 1987 avec une première affiche qu'on jurerait faite à la main presque. C'est vrai. Hein, oui, artisanal. Et tout artisanal jusqu'aux possibilités actuelles de dessin et d'art qu'on a aujourd'hui. Et toujours des affiches très très très très colorées, très très belles, et qui attirent l'œil, qui captent l'œil à chaque fois. C'est toujours une grande réussite d'avoir ces affiches en format. Donc vous pouvez venir les voir d'ailleurs, médiathèque Stéphane Hessel. Elles sont en expo dans la salle de lecture là. Et vous pouvez venir les admirer. C'est une sorte de petit voyage dans l'histoire de Jazz en Touraine. Avec tous ces noms, tous noms plus connus les uns que les autres. Mais oui. D'ailleurs, je sais pas si tu sais quel est la plus grosse tête d'affiche. Il y en a eu plein. Enfin, moi, j'ai vu Jody Bango ici, j'ai vu des choses fabuleuses, Thomas Dutronc, et voilà. Enfin, tout plein de choses, mais ce serait difficile de faire... C'est toujours difficile de mettre quelqu'un au-dessus de l'autre, mais bon, il y a quelques noms qui nous reviennent comme ça. Petrucciani, là-bas, quand même. Michel Petrucciani, voilà, notamment. Moi, j'ai un souvenir formidable de Cassandra Wilson, qui était venue faire un concert absolument... extraordinaire, où elle est arrivée justement, puisqu'on parlait de Marilyn Monroe tout à l'heure, elle est arrivée sur scène dans une robe qui semblait avoir été cousue sur elle en direct dans les loges, même type de robe que Marilyn arborait pour l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy justement en 61. Et voilà. et où il y a eu une sorte de silence quand elle est arrivée sur scène, et où tout le monde a littéralement s'est arrêté pendant un instant, et puis quand elle a commencé de chanter, là, c'était formidable. Oui, il y a eu ça, il y a eu Brad Meldo qui a fait un concert extraordinaire lui aussi pour le 25e festival en solo, où il avait joué La mémoire et la mer de Léo Ferré d'une manière absolument exceptionnelle. Enfin, moi, en entendant juste lui au piano, j'avais l'impression d'entendre la voix du vieux Léo là, qui chantait en même temps dans les harmoniques du piano. C'était troublant, quoi. C'était vraiment très très bien. Et puis cette année, il y aura eu donc Moonlight Benjamin, J'y reviens, C'est ma chérie. Le gros coup de cœur. Elle était de là François. Hier soir au Magic Mirror, et c'était vraiment assez exceptionnel de voir cette sorte de prêtresse vaudou là, nous envoûter avec sa grosse voix dans son petit corps habillé de manière assez exceptionnelle, vraiment. Et puis une rencontre un grand après moment. Avec Fatoumata Diawara, auquel a assisté François, et des étoiles encore plein les yeux matin. Oui, tout à fait, oui. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà, donc on va continuer notre petite exploration de cette liste alphabétique, donc extraite de cette merveilleuse collection de vinyles de jazz d'André Joly, qui est donc en dépôt maintenant à la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis, avec un album de Paul Mossian. Paul Mossian, c'est un batteur qui lui aussi a joué avec tout le monde, de Pat Metheny à Keith Jarrett, etc. Avec une grande complicité notamment avec le contrebassiste Charlie Eden, souvent. C'est un album donc qui est paru en 1974 sur le label ECM, un label tout à fait extraordinaire dans l'histoire du jazz, un label basé à Munich en Allemagne, monté par un certain Manfred Eicher, qui voulait créer une maison de disques dans laquelle il y ait une esthétique qui soit, si ce n'est toujours la même, qui tourne toujours un petit peu autour d'un jazz cool. Donc le plus célèbre album de cette maison de disques, c'est bien sûr le concert à Cologne de Keith Jarrett, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a un film documentaire qui est en montage actuellement, notamment par une équipe partiellement tourangelle d'ailleurs, sur le sujet, et notamment sur cette histoire d'un concert à Cologne où Keith Jarrett, au départ, est arrivé dans la salle et refusait de jouer parce que le piano n'était pas assez bon, jusqu'à ce que le monsieur qui s'occupait du piano lui prouve le contraire, et finalement il fait ce concert absolument extraordinaire qui est devenu un best-seller de l'histoire du jazz, où il est tout seul au piano, il improvise pendant des faces entières sur des musiques complètement extraordinaires. Et donc Paul Mossian a été un de ses batteurs, notamment au fil des années. Là donc c'est un album qui s'appelle Tribute, qui est sorti donc sous le nom de Paul Mossian, avec pas mal de gens, dont je vous en parlais, Charlie Hayden à la basse, Paul Metzke à la guitare électrique, Sam Brown aux guitares acoustiques et Carlos Ward à l'alto. Donc un jazz plus cool, plus apaisé. Paul Mossian, c'est pas un batteur démonstratif, c'est un batteur qui est toujours là au service des autres. D'ailleurs, c'est un album sous son nom, mais il n'est pas en vedette, il est vraiment au sein du groupe. Et il joue sur ce thème qu'on va écouter, qui s'appelle, alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait le Sunday de Carmen Macré. Oui, les jours de la semaine inspirent voilà, beaucoup. Oui, et là le morceau s'appelle Tuesday Ends Saturday, c'est-à-dire le mardi se termine le samedi. Voilà, je ne sais pas quel est tout à fait le message. Et puis on n'a pas de parole puisque c'est un morceau instrumental pour expliquer, mais voilà, il doit y avoir une histoire derrière tout ça. C'est un très long morceau, vous commencez à l'écouter le mardi et il se termine le samedi. Ah, c'est peut-être ça, oui. Donc on ne va pas vous le passer en entier. Non, d'ailleurs, on ne va certainement pas le passer en entier parce qu'il est d'ailleurs assez long, il fait un peu plus de 6 minutes. Mais voilà, vous allez voir 1974, cette esthétique du label ECM qui d'ailleurs poussait cette esthétique comme Blue Note jusque dans les pochettes, qui avaient toujours un petit peu le même look, des photos souvent un peu floues, des photos de paysages en mouvement, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment très, très beau. Et voilà, c'était une maison de disques avec une ligne éditoriale complète dans laquelle, quand même, chaque artiste avait une grande liberté et certains en ont bien usé, d'ailleurs, mais un catalogue assez, assez exceptionnel. Donc, le morceau s'appelle Tuesday and Saturday, et donc c'est Paul Mossian. Il a cet art, François, de nous mettre en appétit. Hein. On a envie d'écouter maintenant ce morceau. Et il est en train, justement, de le lancer. Et c'est parti. Paul Mossian, extrait de l'album Tribute. Le morceau s'appelait ça y est, j'ai un trou de mémoire. Tuesday and Saturday. Merci Marlène. Et vous, bon, vous l'aurez remarqué, une structure beaucoup plus libre, un échange entre les instruments, dans une structure qui est beaucoup plus lâche, etc. Là aussi, encore un très beau jeu du contrebassiste Charlie Eden qui emmène la machine en permanence, mais de manière très libre, sans rester dans une structure simple. Vraiment un bel album. Après... je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu allergiques. C'est pas du free jazz. On n'est pas dans le free jazz parce qu'on a vraiment une structure là. Mais ça prend des libertés quand même avec l'harmonie, avec les structures. On voit nos auditeurs qui ont fait le déplacement aujourd'hui présents ici à la médiathèque tapoter des doigts. Vois des pieds en mouvement. On salue Bernard qui nous a rejoint depuis le début de cette émission. Bernard Salmon, hein, bien investi aussi sur ce festival de jazz en Touraine depuis bien longtemps. Que nous as-tu concocté pour la suite? Eh bien, on vient de passer en revue trois artistes dont le nom commençait par la lettre M, donc il serait temps d'avancer dans dans l'alphabet, n'est-ce pas, hein, parce que, mais il reste plus que trois albums. À la fin de l'alphabet, j'en ai pris moins, non pas que les artistes soient moins méritants, mais j'avais aussi mes petits chouchous, il faut bien l'avouer. Et parmi ces petits chouchous, eh bien, il y a un pianiste. Là, on va passer à la lettre N, donc on avance pas beaucoup, avec le pianiste Phineas Newborn. Alors, il n'a pas une discographie très très très importante, mais il y a un album qui a marqué un petit peu tout le monde. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce qu'à l'époque où l'album est sorti, c'est-à-dire en 1958, tiens, on prend encore une année dans laquelle on était tout à l'heure avec Ruby Braff. 1958, les pianistes, c'est plutôt en trio qui jouent habituellement, juste piano, contrebasse et batterie. Là, il ajoute un guitariste qui s'appelle Calvin Newborn, qui vient l'accompagner, donc qui double ses parties de piano ou qui complète. L'histoire de cet album est un petit peu exceptionnelle, c'est-à-dire que à l'époque, il est sur le label, un label qui s'appelle RCA. RCA, à l'époque, ils ont signé un an avant un certain Elvis Presley. Oh. Donc, le jazz, ça les intéresse déjà un petit peu moins, parce que Elvis, c'est un petit peu la vache à lait du label. Donc, ils n'arrêtent pas de sortir des dizaines de disques par an d'Elvis. Donc, le jazz, ça les intéresse un peu moins. Et Phineas Newborn, qui n'est pas un grand nom, encore un peu moins. Donc, ils lui accordent quand même d'enregistrer une session sur une journée. Et ils lui disent, le studio, c'est là. Alors, ils rentrent dans le studio et puis, il y a un piano, sauf que le piano, c'est un piano droit. Mmh. Bon, en général, les pianistes de jazz, quand ils enregistrent, c'est plutôt sur des pianos à queue. Et puis surtout, quand ils s'approchent du piano, le piano, il commence à jouer. Il n'est pas très, très bien accordé, le piano. c'est pas une catastrophe, c'est pas un piano de saloon, mais c'est quand même pas terrible au niveau qualité. Donc ses copains, les musiciens disent on va pas enregistrer là-dedans et tout, c'est pas possible ce piano et tout. Et lui, contre mauvaise fortune, bon cœur, il dit si, on va jouer avec ce piano, on va en tirer le meilleur de ces enregistrements et puis ça va être comme ça et puis ça sera pas autrement. Allez les gars, hop au boulot. Et donc on se retrouve avec cet album de composition ou de reprise sur lequel il joue sur un piano. Alors on le remarque tout de suite, y a quand même quelque chose qui ne va pas avec ce piano. Mais finalement, ça ajoute un charme à cet album. Ça ajoute quelque chose de complètement improvisé. Et puis, on se dit, c'est comme si je jouais à la maison ou si Phineas Newborn venait jouer à la maison dans mon salon avec mon piano qui n'est pas toujours très, très bien accordé. Et du coup, cet album a gagné une sorte de reconnaissance un petit peu de tout le monde par le fait que cet artiste qui est assez peu connu... a réussi le tour de force d'enregistrer un album qui est quand même d'un bout à l'autre de très très belle qualité sur un piano qui n'est pas exceptionnel. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Angle à 45 degrés, 45 degrees angle, qui termine la première face de ce morceau. Et vous allez voir, dès les premières notes, vous allez vous dire il y a un problème avec ce piano. Phineas Newborn, nous sommes en 1958. Avec ce titre, toujours en direct de la médiathèque Stéphane Hessel. Et c'est parti. Parti. Phineas Newborn, extrait de cet album The Fabulous Phineas Newborn. À l'époque, on y allait carrément sur les superlatifs, allons-y. Oui. 1958, avec ce morceau 45 Degree Angle. Donc, vous aurez remarqué quand même qu'il y a des drôles de résonances dans ce piano et tout. On sent bien que tout ne va pas pour le mieux dans ce studio ce jour-là. On va carrément passer de la lettre N de Phineas Newborn à la lettre T de Lenny Tristano, et on va rester chez les pianistes et aussi chez les pianistes avec une approche aussi un petit peu particulière. Lenny Tristano, il est en gros connu là aussi comme accompagnateur de quelques grands noms, mais il n'a pas laissé une trace exceptionnelle. Apparemment, il avait un caractère un petit peu particulier. Tout le monde n'était pas, fou de lui. Une très belle pochette iconique, alors qui a été retravaillée pour cette réédition. Normalement, le portrait de Lenny Tristano en noir et blanc de profil et prend toute la pochette. C'est un album qui est considéré aussi comme un des grands standards du jazz, mais pour des raisons un petit peu particulières, due à son enregistrement. Lenny Tristano, en fait, a fait cet enregistrement en voulant inaugurer des nouvelles techniques de studio. Et quand il est arrivé au studio, en fait, il a demandé à ses musiciens, le bassiste et le batteur, d'enregistrer la bande-son de 4 morceaux qui figurent sur cet album et de les enregistrer tout seul. C'est-à-dire que lui accompagnait, mais son piano n'était pas enregistré. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à l'ingénieur du son de lui repasser cet enregistrement à la moitié de sa vitesse. Mmh. Oui. Et il a enregistré sa partie de piano sur cette bande enregistrée qui passait à la moitié de la vitesse. Et ensuite, l'enregistrement a été restitué, donc avec son piano, qui, par rapport à la manière dont il jouait, lui, au moment au studio, joue forcément 2 fois plus vite par rapport aux 2 autres instruments. Un petit travail de calage, l'ingénieur du son. Je n'ai pas son nom, c'est dommage, parce qu'il a dû, un peu s'arracher les cheveux sur cette histoire. Mais voilà, donc ça crée en fait une sorte de petit décalage entre la basse et la batterie qui ont été enregistrés plutôt rapidement, plutôt cool, avec le jeu de Lenny Tristano, qui était carrément doublement ralenti du fait qu'il était sur l'enregistrement de la bande passé à la moitié de la vitesse. Donc cet enregistrement, et c'est aussi là qu'il est original pour l'époque, il date de 1954. À l'époque, on n'avait pas trop l'habitude de jouer avec les studios. Hein. Jouer avec les bandes, jouer avec les studios, c'est venu en gros que dans les années 60, avec des grands précurseurs comme les Beatles, qui ont été les premiers à bidouiller les bandes, à les faire passer à l'envers, à l'endroit, à mi-vitesse, etc. Comme ça. Là, en 1954, on est quand même plus de 10 ans avant ces premiers bidouillages dans la pop. Et Lenny Tristano, dans ce sens-là, est un petit peu un précurseur. Donc le morceau qu'on va écouter ici s'appelle Line Up, donc en ligne, tout le monde en ligne pour ce morceau, parce que là, il fallait vraiment être absolument bien calé les uns avec les autres pour pouvoir faire face à ce petit défi d'enregistrement qui donne finalement un résultat, alors qui n'est pas si différent de ça que ça de ce qu'on peut connaître ailleurs, mais vous noterez quand même qu'il y a notamment dans l'écho de l'enregistrement, ce reste d'un bidouillage, en fait, on peut le dire comme ça, dû à l'ingénieur du son. Alors, je vais lancer ce petit morceau qui débute la phase 1, donc qui s'appelle Line Up, extrait de cet album qui n'a pas de titre à l'origine, qui s'appelle juste Lenny Tristano, qui là est une réédition qui date des années 80, qui dans une collection qui s'appelait That's Jazz chez Atlantic. Un bien beau label, ma foi, Atlantique, où il y a eu plein de gens célèbres. Et donc, on va écouter ce morceau Line Up. Voyez avec quelle finesse il a préparé tout ça, parce que toutes ces anecdotes, là, il faut les trouver quand même. Oui, hein, c'est hein sûr. Oh, bah, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Thank you. C'était donc ce morceau intitulé Line Up, extrait de cet album de Lenny Tristano, 1954. Vous imaginez bien que ceux qui ont écouté ça à l'époque ont dû tomber des nues parce que ça ne ressemble à rien de ce qui se faisait à l'époque. Ah oui. C'est vraiment complètement en avance sur son temps. Et on entend bien un petit peu la différence d'enregistrement entre la rythmique et le piano. On voit bien qu'il y a quelque chose là, que c'est pas la même sonorité, que c'est pas tout à fait le même enregistrement, le même ensemble, l'écho qu'il y a sur le piano est différent de celui qu'il y a sur la basse et la batterie. Et voilà l'explication de la chose. Donc cet enregistrement fait en deux temps, dans des conditions un petit peu exceptionnelles pour l'époque. Voilà, on en arrive à la dernière sélection, qui n'est autre qu'un certain Phil Woods. Phil Woods, saxophoniste de son état, qui lui aussi est un de ces artistes qui ont été un petit peu dans l'ombre des autres saxophonistes célèbres de l'époque et de ceux qu'il y en a eu entre Lester Young, Charlie Parker et autres, et Coltrane et autres. C'est un album qui date de 1961, cette fois-ci. Ah. La plus belle année du monde. On se demande pourquoi. Ouais, on se demande pourquoi. Phil Woods, donc, avec un album qu'il a écrit et arrangé pour un big band. Alors, vous allez voir qu'il y a du monde. Hein. Il y a sax, trompette, cor, trombone, sax baryton pour l'ensemble de cuivre, et puis un piano, une basse pour la rythmique et une batterie, bien sûr. Et tout ce joyeux monde, en fait, joue sur cet album qui s'appelle Rites of Swing. Alors, c'est un petit jeu de mots, Rites of Swing, parce que ça fait appel en fait au sacre du printemps de Stravinsky, qui en anglais s'appelle Rites of Spring, bien sûr. Oh. Et là, c'est un clin d'œil parce que c'est un album écrit en fait en différents mouvements. Il y a 5 mouvements au total, dont celui qu'on va écouter tout à l'heure qui s'appelle Prélude et partie 1. Donc on est vraiment dans le même état d'esprit que l'intitulé des pièces de la musique classique. Et on est là donc face à un bloc de cuivre qui vont développer des morceaux assez riches. Là aussi, donc en 1961, c'est assez original parce qu'on a l'habitude des big bands, pas trop des bandes intermédiaires comme ça où il y a 8 musiciens. Et non pas 16 ou seulement 4. Et c'est vraiment très très riche en cuivre, donc avec une belle rythmique derrière qui envoie tout ça. C'est certainement un album qui a été beaucoup écouté par tous les arrangeurs qui ont fait des génériques de télévision pour les séries américaines dans les années 70. Je pense que des gens comme Lalo Schifrin, notamment, qui a fait énormément de musique comme ça pour la télévision, a dû beaucoup travailler sur cet album parce parce qu'il y a cet aspect à la fois très tonique, mélodique, mais avec un petit twist jazz. C'est jamais complètement évident. Il y a toujours des petites dissonances, des petites choses qui viennent rechercher l'attention de l'auditeur dedans. Le morceau, il est assez long, on l'écoutera pas en entier, mais ça fait un bon générique presque de fin pour cette émission. On va retrouver donc dans cet ensemble quand même du beau nom, de Benny Bailey à la trompette, Julius Watkins au corps, Curtis Fuller au trombone, qui est quand même là aussi une sacrée pointure, Sahib Shihab au saxophone, Tommy Flanagan, le grand Tommy Flanagan au piano, Buddy Catlett à la basse, enfin bon bref, vous allez vous laisser emmener par ce bel ensemble qui va développer là un thème tout à fait étonnant, là aussi pour l'époque 61, on jurerait que ça a 10 ans de moins, que ça a été fait en 71, une sorte de, ouais, on pourrait imaginer ça comme générique des rues de San Francisco de l'époque. Voilà, ce Phil Woods, donc grand saxophoniste, grand arrangeur aussi, qui a connu une grande carrière, mais toujours, voilà, un petit peu, on dirait en Ligue 2 aujourd'hui, en deuxième division à l'époque, un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a marqué son époque. Donc, extrait de cet album Rites of Swing, Phil Woods, en 1961. Qui, rappelons-le, est une année particulière. Et c'est parti avec le petit grattement de départ. On aime. Comme on aime. The little Phil Woods, The Rites of Swing, donc avec ce prélude et part one qui débute cet album. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir une petite pensée pour mon ami Boris, bah, oui. Qui était un fan absolu de trombone, c'est original. On n'en rencontre pas tous les jours, et qui est bien placé dans cette émission quand il l'a présenté avec moi, ou plutôt moi qui l'a présenté avec lui d'ailleurs, c'était plutôt dans l'autre sens. Passer toujours un petit tromboniste comme ça de temps en temps, parce que le trombone, c'est un instrument mal aimé souvent, et qui pourtant est vraiment très bien. Là, c'était Curtis Fuller d'ailleurs qui jouait ce petit solo de trombone qui était plutôt bienvenu dans ce morceau. Voilà, on est arrivé au bout de notre alphabet. L'alphabet s'arrête à la W. Hein. Je ne suis pas allé jusqu'à Z parce que je me suis dit qu'après, sinon, on allait y passer la journée. Mais bon, peut-être une prochaine fois, on pourra peut-être refaire une deuxième session. Bah, hein, je ne sais pas, Héloïse, elle est d'accord. Ouais, elle est d'accord. Bah, pourquoi pas alors, hein, on va essayer de mettre ça en place. En tout cas, c'était un hors-série. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, François, être à tes côtés. C'était une première pour nous de cette émission. Et beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, il y a plein de gens à remercier, évidemment, à commencer par toi. Merci, François. Ouais. Je le dis, donc François, il est disquaire, il est passionné de musique et le temps que ça demande, hein, faut quand même le souligner. Oui, oui, quelques petites soirées sur mon téléphone, parce que je travaille beaucoup sur mon téléphone, en fait, quand je fais ça. Et tout, j'écris tout sur mon téléphone. Voilà. On remercie Francine aussi qui est venue aujourd'hui. Donc, on rappelle que Francine, elle est co-héritière de cette collection qui est actuellement à la médiathèque Stéphane Hessel. Est-ce que cette valorisation de cette collection vous a ravi aujourd'hui, Francine? Ah oui, ça m'a fait grand plaisir parce que ça fait depuis le don, il ne s'est rien passé. Et là, je suis très, très contente. En plus, pour moi, personnellement, ça ravive le souvenir de ma sœur et de mon beau-frère, qui me sont très chers, bien sûr. Et je ne demande pas mieux pour qu'on fasse d'autres sessions de ce genre. Eh ben, ce sera avec plaisir. Voilà, on remercie aussi la présence de Claude Garcera, président du Festival de Jazz en Touraine. Claude, satisfait aussi de cette belle émission, il va s'approcher du micro pour nous en dire un petit mot. Eh bien oui, tout à fait. C'était une première, une initiative de Jazz en Touraine et des administrateurs qui ont souhaité faire vivre, mieux vivre la donation dont on s'est parlé. Merci à vous, Francine. Merci à toutes et à tous. Alors, une anecdote, hein, puisque François est le spécialiste des anecdotes, mais j'en ai une à vous raconter. Ah, ouais. Nous avons devant nous la première affiche de Jazz en Touraine, 1987. À ce moment-là, le festival sur deux jours se met en place. Il aura lieu au gymnase Léo Lagrange, à défaut de salle, puisque l'espace Ligeria sera construit, mais l'année d'après, et donc la deuxième année du festival, Ligeria accueillera Jazz en Touraine. Mais pour revenir à cette affiche, au dernier moment, le créateur du festival, le fondateur Jean-Marc Filleul, se dit, mais on n'a pas d'affiche. On pense à tout, à inviter les musiciens, vous voyez, Claude Luther, Alain Ville, Guy Lafitte. Donc déjà à l'époque, il y a les grands du jazz du moment, et on n'a pas d'affiche. Et il y avait un jeune homme dans l'entourage de Jean-Jacques Filleul qui était en formation de peintre en lettres. Et tu as évoqué, François, tout à l'heure, le graphisme, et donc c'est fait main, artisanalement, par ce garçon qui était en formation de peintre en lettres et qui est devenu par la suite batteur de jazz, et qu'on a le plaisir d'écouter pour celles et ceux qui sont habitués du Strapontin. Tous les lundis, voilà. Je connais ce garçon. qui est le batteur local et qui s'appelle Patrick Filleul. Merci à Jean-Jacques et à Patrick pour cette initiative. Voilà, je voulais vous livrer cette anecdote. Très belle anecdote, oui. Merci Claude, en effet, pour ce petit mot de la fin. On remercie aussi, bien sûr, Vincent en technique, qui a mis ses forces à contribution pour que tout se passe au mieux. On remercie bien sûr aussi toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Alors, parmi lesquelles, il y avait un ado qui était là. Et super, convaincu. Il va se mettre au jazz. Bon, il aura appris quelques petites choses. Et que c'est une musique qui est toujours vivante aujourd'hui et qui a connu déjà des anecdotes et des vies diverses bien riches. Tout à fait. Et merci Bernard également de votre présence. Eh bien, il va être l'heure de rendre l'antenne. Eh oui, quand même. Eh oui. Et bien, en remerciant aussi la médiathèque de nous avoir accueillis dans ces locaux. Absolument. Mais oui, ça tombe sous le sens. Merci à Héloïse, merci à toute l'équipe de la médiathèque. On rappelle, François, aussi qu'on te retrouve tous les lundis sur Radioactive. Oui, on va débuter la saison 4, là, bientôt. Et ça devrait se passer aux alentours du lundi 1er octobre, normalement, la prochaine. Donc, je donne rendez-vous à tous les auditeurs pour ce rendez-vous. Ça me fera bien plaisir. On aura plein de choses à se dire à propos du festival et puis à propos de toutes les nouveautés, parce que on s'est arrêté pendant l'été et puis il y a eu la période du festival où j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc, l'émission ne reprend pas, mais là, ça va reprendre début octobre. Et je pense que les deux premiers numéros vont être très, très, très, très, très riches en actualité et en nouvelles du festival. On n'a pas fini d'entendre parler de Moonlight Benjamin sur Radioactive. Bah, dis tout de suite que je vous gave aussi. Pas du tout. Merci beaucoup. Nous rendons l'antenne et à très vite sur Radioactive 94.7 et 93 FM.